Thank you. chacun reconnaît la batterie. Séquence MIDI, trouver la batterie. À chaque fois, ça charge toutes les pistes. Il faut retrouver la piste de batterie. Alors, tout à l'heure, j'avais du Led Zepp, mais ça a fait n'importe quoi. Je sais pas pourquoi. Voir MIDIFY. Après, il suffit de trouver le morceau qu'on aime bien. Yeah. à la batterie là-bas. Thank you.